Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On ne reçoit plus guère de cartes postales de nos jours. Pourtant, tous les lieux touristiques sont envahis par les présentoirs, fixes ou tournants, de cartes postales. Certes, toutes les cartes postales achetées ne sont sans doute pas envoyées à des proches avec les commentaires les plus originaux et définitifs. Peut-être terminent-elles leur vie, ces cartes postales, dans des tiroirs. Peu importe, la carte postale, cela a un petit côté vieillot. Alors, que dire si l'évocation de ces cartes postales a plus de 60 ans ? Aux terrasses du songe, c'est Paris qui était ainsi illustré. Des cartes postales chantées, lesquelles en racontaient de Paris les quartiers les plus caractéristiques et les plus attendus. Oui, c'est bien le principe des cartes postales. Mais il n'y a pas que de la joie, de la bonne humeur sur ces photos. Il y a aussi la morte heureuse, la fameuse inconnue de la Seine, et puis le Paris de Vincent Scotto, celui de Fantomas. Aux terrasses du songe, Paris, carte postale, une émission où les rôles sont très arrêtés, l'homme sait et la femme écoute et apprend. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 13 septembre 1954. La radiodiffusion française présente « Aux terrasses du songe », une évocation de Pierre-Marcel Onder, imaginée et traduite du rêve par Armand Lanoux, et matérialisée par Liliane Ernoux et Jean-Claude Michel pour les voix, et par Jean Hirsan pour la mise en onde. Aujourd'hui, Paris carte postale. Entendu entrer, Anicet. C'est que j'ai pris le soin de venir sur un air léger, impalpable, un air de Paris. Et chargé comme un mulet. Plaît-il ? Mais oui, vous êtes chargé comme un mulet. Qu'est-ce que ce fatras ? Ah, les éléments de notre rêve. Un rêve impalpable. Parfaitement. Vous connaissez Iturin, le bouquiniste du quai de la Mégisserie. Il m'a donné un bon millier de cartes postales sur Paris. Et vous avez besoin de cartes postales pour rêver ? Utrio a bien besoin de cartes postales pour peindre le Sacré-Cœur. Permettez, Anicet. Je ne saisis pas très bien le rapport entre Utrillo, les cerises, les cartes postales et le Sacré-Cœur. Alors voici une carte postale qui va vous édifier. Elle représente le Sacré-Cœur ? Non. Oh. L'emplacement. Quand il y avait encore des vignes nombreuses et des cerisiers à Montmartre. C'était en 71, belle. Un garnisseur de cuivre, membre de la commune, tirait à la barricade de la fontaine du roi. Et alors ? C'était l'atroce guerre civile ? Oui. Or, près de cet ouvrier, une fille de 20 ans soignait les blessés. Elle fut tuée. Lui, il en réchappa et il dédia au souvenir de Louise une certaine chanson qui fit son chemin. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Quant à Utrillo, il écrit des vers aussi. « Oh, quand ces parages, de Montmartre, la tour, et puis, qui du maquis à la rue Caulaincourt, tout lieu pittoresque et consacrant Montmartre, qu'il est bon respirer et l'Hermine et la Marthe. » Que c'est naïf. Guère plus, peut-être, que cette autre image des PTT, qui représente un homme en veston à chapeau de feutre, guettant derrière un saule du lapin agile les fantômes de la rue Saint-Vincent. Qui est ce mauvais garçon ? Carco. Et que guette-t-il ? Son passé. Elle avait sous sa toque de marbre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère, et depuis 1900, elle n'aurait chez sa vieille aïeule qu'à s'élever comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. À voyer dans les nuits de gelée, la nappe étoilée et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique. Rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules a rencontré Jules, qui était si caressant. Caressait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière. Rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce, aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au pantre, d'un coup de surin il tomba le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant. Les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce. Rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de marbre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Nous changeons d'époque, Anicet. Votre carte postale est neuve. C'est Paris tel que l'imagine un Américain sensible, Gershwin. Paris vu de Montmartre, bien sûr. Naturellement, vous avez vu le film Moulin Rouge cet hiver. Vous avez des reproches à faire à Moulin Rouge? Oui et non. Le Paris de Toulouse-Lautrec, c'était bien ce que vous avez vu, mais tellement pire. Pire? Toulouse-Lautrec, Nabot surnommé Courtepatte ou Loin du Ciel par les voyous de Bastringue, infortuné génie, cherchait avec une autre âpreté les modèles gonflés de la vie charnelle qui lui était refusée. Il répétait, méthode Coué, la vie est belle. Plusieurs fois il dit à de jolies dames, je cherche une femme qui est un amant plus laid que moi. Oh, atroce! N'est-ce pas? Pour qui m'ou-tu, Moulin Rouge? Pour la mort ou pour l'amour? La cour de Rome, sous l'eau, en 1910. Timbré à la semeuse, 5 centimes. Paris lacustre, plein de fiacres envasés, d'agents moustachus et de hauts fonctionnaires préfectoraux à chapeau de soie, portant secours à des fleuristes perchés sur leurs kiosques comme des fauvettes. Non, celle que vous cachez. Ce grand fronton taillé dans du saindoux par un charcutier délirant, avec des messieurs romantiques et de jolies dames à taille de guêpe. Le bal Mabille. C'était à Montmartre aussi, le bal Mabille? Mais non, aux Champs-Élysées. De drôles de Champs-Élysées. Oh, Anicet, je vois d'étranges choses. Il y a des filles et d'inquiétants personnages qui dansent follement. Attendez, ils viennent de la cité du démon. C'est la nuit noire, la nuit du 2 décembre 1804. La nuit est si épaisse qu'on... Mais il y a un mort! Oh, Anicet, c'est horrible ce qui se dégage de vos cartes postales! Arrivé. Vous venez de voir, près de Mabille, en effet, le cadavre d'un homme englouti dans la nuit, que personne ne sut reconnaître. Ce n'est qu'au petit jour qu'on l'identifia. Qui était-ce? Un certain Philippe Lebon. De son vivant, il avait inventé le gaz d'éclairage. La nuit de Paris s'était vengée. Mais ce n'était pas cette polka qu'on jouait à Mabille, pour les biches et leurs amants de cœur. Oh, certes pas. Plutôt ceci. Maîtra lui-même menait la valse à la baguette pour le compte du maître obscur de la cité du démon et de ses amis Lassner, Chicard et Tortillard.

je le vois. Sa bille ronde de clown, son chapeau rond de clown, sa cravate à pois et son costume à carreaux. On s'y patouille en partout le corps. Vous êtes malade, me dit le major. Quel est votre code d'exemption? En dessous la toise, je lui réponds. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est une soleil qui serait tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Eh bien, Belle, Dranem a eu un jour un mot admirable. Les petits pois sont à légumes bien tendres. Non. Dranem sort de l'Eldorado après son tour de chant, mais vous ne vous choquerez pas. Oh, avec vous. Bien. Dranem est accosté par une fille. Elle le reconnaît soudain et murmure « Oh, je vous demande pardon, monsieur Dranem. » Alors, le chanteur au couplet d'une géniale idiotie la regarde et dit doucement « Pardon ? Mais pardon de quoi, mon enfant ? Nous faisons le même métier. Nous les amusons. » C'est très beau, Anisset. Je crois en effet que c'est très beau, Belle. Et tout naturellement, l'orgue de Barbarie se mêle au concert. C'est toujours le plus doux et le plus amer de l'amour qu'il remoule. Anisset, quelle est cette femme? Quelle femme? Ce visage. Elle a les yeux clos. C'est une jeune fille, une toute jeune fille. Elle dort ou elle est morte? Non, elle sourit. Oh, ce sourire! On trouva un jour dans la Seine une naufragée si jeune, aux traits marqués d'une expression si douce, qu'on lui vola son visage. On lui vola son visage? Et on le moula. Il émane de cette face de morte heureuse la douceur que vous avez reconnue. On reproduisit ses traits par milliers d'exemplaires, tant en plâtre qu'en carte postale. Mais personne ne sut jamais mettre un nom sur cette effigie. J'ai interrogé le célèbre inspecteur Guillaume, le docteur Paul, champion du monde toute catégorie d'autopsie médico-légale, et le bon professeur Locard. Cela a évoqué pour eux un souvenir, mais rien de plus que les mots qui constituent cet état civil définitif. L'inconnu de la Seine. Si l'on aidait un peu tous les vrais miséreux, plus de suicides ni de crimes dans la nuit sous les ponts de Paris. Vous allez me réconcilier avec les orgues de Barbarie. Mais ils ont le charme lancinant que je retrouve dans la musique de Wiener, quand ils stylisent les musettes de la ville, de la rue de Lappe à la rue des Vertus. J'ai connu l'amitié tout près de la nation. Au bal des Gravilliers, chantait l'accordéon. J'ai connu le bonheur, cousin du long couteau. La nuit à l'As de cœur, la nuit rue des Orteaux. Thank you. montrez-moi encore des cartes postales à Nicée. Une cave, des nègres, Saint-Germain-des-Prés. Luther, Boris Vian et Sidney Bechet. Il a l'air d'un mouton sage. Celle-ci était trop neuve. Ah, ça se guérira. Dans 30 ans, les mêmes quidam qui s'indignent des excès salaces de Saint-Germain-des-Prairies s'attendriront en retrouvant cette image sur le romantisme perdu de l'ère sartrienne. Quand les fillettes à pubères allaient cracher sur les tombes et quand on tuait tous les affreux... Qui se portent bien. Oh, ce sont les halles l'après-midi. Les forts dorment ou tapent la belote. Au pied de cochon, le chef, un artiste, se lave les mains. Et des filles d'amour à faire peur... Carcasses usagées qui ont 1000 ans d'alisques de cimetière, claquent des dents et des talonnettes rue Coquillère devant cette enseigne que vous n'auriez su inventer, à la promenade de Vénus. On a toujours son orgueil, rue Montorgueil. Papa était un tel don juan et il faisait tellement la fête qu'il n'a jamais bien su comment, parmi de nombreuses conquêtes. Qui ça pouvait être ma maman? J'suis né dans un chou une nuit sur le carreau, parmi la laitue, le radis et le réfort, entre la Samaritaine et le Sébasto. Papa encaissa ce coup du sort, car on a son orgueil dans la rue Montorgueil. J'ai toujours adoré l'école, celle qui se tient aux quatre vents, où le maître s'appelle Papa, où on ne se met jamais en rang, on vous bat pas parce qu'on rigole. J'ai appris l'histoire en regardant le nom des rues, la géographie en suivant les ruisseaux, l'histoire naturelle en me cachant pas la vue. Et je n'ai jamais eu de zéro, car on a son orgueil dans la rue Montorgueil. Dans mon coin, toutes les filles travaillent, travaillent à d'honnêtes métiers. Qu'elles aient l'air doux ou bien canailles, le travail empêche pas la beauté, c'est d'après moi qu'elles se chamaillent. cheveux coupés, jupes plissées, hautes bottines. Je ne leur déplais pas, elles me courent toutes après. Ce sont de belles gosses, ce sont de chic filles. Oui, mais c'est moi qui choisirai, car on a son orgueil dans la rue Montorgueil. À Paris, à le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, les abattoirs, le long des quais on se promène, le père Lachaise c'est le reposoir, dans son lit se roule la Seine. J'aime le Zoo et j'aime la Tour Eiffel, la place la Concorde et la place Clichy. J'aime les rues de Paris et je connais la plus belle. Je casse la gueule à qui me contredit, car on a son orgueil dans la rue Montorgueil. Vieille ou neuf, c'est toujours le Paris de la carte postale, belle. Oh, un tout petit bout de Paris. Entre Ponson du Terrail et Robert Desnos, c'est la ville des fillettes sentimentales qui jouent à la marelle sur ses trottoirs, sautant d'un bond du ciel en enfer et vice-versa. Et le Paris terrible de Fantômas. Allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantômas, serait-ce toi qui te dresses sur les toits? Fantômas ne m'a jamais fait peur. Robert Desnos avait composé naguère cette complainte pour la radio. Il est juste que la radio la lui rende. Mais c'est une moralité un peu noire pour moi. Vous en souhaitez une autre? Rose, très rose. La voici. Que cette gamine des Tuileries est mignonne dans sa robe à volant. C'est belle, toute petite fille jouant au cerceau. Le monsieur à côté, environné d'oiseaux, c'est mon confrère amateur, Scipion l'Africain, le charmeur de moineaux. Et Scipion dit à Belle, il paraît que tu travailles bien à l'école, Belle. Oh oui, monsieur Scipion, je connais même ma leçon d'histoire. Au temps de nos ancêtres, Paris s'appelait Lucette. Et de l'énorme tas de cartes postales que m'a donné Iturin, le bouquiniste, c'est celle-ci que je choisis pour finir de songer avec vous ce soir, Belle. Seul ce trait était assez dépourvu de poids, assez léger, assez impalpable, pour apprivoiser l'air qui baigne Paris carte postale. Thank you.